FrenchPod.com. Pourquoi on s'arrête au rayon peluche ? Il nous reste juste à trouver un cadeau pour ton neveu et nous sommes tranquilles jusqu'à l'année prochaine, d'accord ? Tu rigoles ? Tu penses qu'il veut une peluche ? Il a 16 ans quand même ! On s'en fout, c'est ça ou rien. On a fait tout le magasin deux fois, je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Mais si on retournait en vitesse au rayon informatique ? Regarde ce monde, c'est de la folie ! Ça va nous prendre 2 heures pour y arriver. Ne t'énerve pas, chérie, j'ai une idée. C'est la queue aux caisses qui va prendre 2 heures. Alors, mets-toi dans la file, je vais vite au rayon informatique chercher le cadeau et je te rejoins. Comme ça, tout le monde est content. Surtout mon neveu.